chaque jour je me réveille à tes côtés, pourtant je veux pas de toi. C'est même pas moi qui ai décidé, j'ai fini dans tes draps. J'ai fait la part, toi tu m'as bluffé, naïf, j'étais pas stable. T'as pu qu'en profiter de moi, t'as abusé. La première fois que je t'ai serré dans mes bras, j'ai cru mourir mais j'ai pas pu en partir. Je suis resté là en pâtir depuis. Au fond d'un puits, je vois à peine la lumière. Je vais te le dire, c'est à cause de toi que j'ai bu toutes ces bières. En fait, t'as raison, t'es la raison de mon mal-être. Mon combat aujourd'hui, c'est de pas passer par la fenêtre. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie s'est bouleversée, mon cœur saturé, mes regrets chaque jour répercutés. Je cogite, moi, je peux pas t'oublier. J'arrive pas, toi, à te sortir de mes pensées. Tu me rends triste, pessimiste, fais de mes vices des sévices. Précipite ma vie dans un précipice. Même la lumière du jour n'égaye pas mes yeux. Même si c'est le parcours qu'on a déjà fait tous les deux, je peux plus me passer de ta présence silencieuse mais si lourde. Ta prestance, ton aisance quand tu m'accompagnes au détour. Même quand t'es pas là, eh ben t'es avec moi. J'ai pas le choix, disons que ces décisions m'appartiennent pas. N'essayez pas de comprendre, sa meilleure amie c'est mon ombre. C'est à cause d'elle, je me fais moins belle, que je me vernis pas les ongles. Je m'en fous, tu m'aimes toi, je vois plus rien autour de moi. J'ai besoin de plaire à personne, car même partir je peux pas, hein, même si je voulais. Sur mon visage t'es ancré, l'autre ne pourrait pas assumer que t'es laissé tant de traits à cause de toi. Mes jours sont fanés, mes sourires forcés. J'ai que mon écriture pour pas craquer. Toi qu'aura gagné le jour où j'aurais abandonné. Le jour où je t'aurais laissé kiffer, qu'à temps entier je me serais donné. Toi qui m'intercepte à chaque fois que je remonte la pente, qui m'empêche de prendre mon élan, de prendre les devants. Toi qui fais de mes rêves des cauchemars, de mes souvenirs des zones noires. M'oppresse, m'empêche d'être seul, me rappelle ce qu'est un cercueil. Je sais tout ça, je t'ai demandé de me lâcher, mais tu m'as convaincu que j'avais besoin de toi pour avancer. Toi qui étais là, toi, jour de ma dépression, qui m'a regardé en souriant et ça sans compassion. Toi qui me réitères sans cesse mes douleurs et mes malheurs, qui m'interdit toujours de donner tout mon cœur. Toi qui m'empêche de faire confiance à mon entourage, qui m'énumère les flashs de ma vie tout le temps comme des adages. Toi qui me crée cette angoisse, ces cassures continues. On n'était pas un beau couple, c'est sûr, moi je t'avais prévenu. Tu sors tout de son contexte, fais de ma vie un concept. Mais faut que je te le dise, mélancolie, je te déteste.